Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 22 septembre 2021, c'est la grande édition de la mi-journée. Voici tout de suite les grandes articulations. Les travaux de réhabilitation de la route nationale menant vers les provinces du sud du pays, en passant par Ijenda ainsi que le port de Kamesa, commencent ce lundi prochain, annonce faite ce mercredi par le directeur général de l'agence routière du Burundi. Et la championne du monde sur 2000 mètres, Francine Niyonsaba, est rentrée ce mercredi matin. Cette Burundaise qui a dernièrement raflé différents trophées a été accueillie à l'aéroport international de Bujumbura par une foule en liesse. Et le centre de la province Kirundo fait face à une pénurie d'essence sur toutes les stations depuis 4 jours déjà. Et la spéculation s'installe, notre correspondant sera en ligne depuis Kirundo. Et dans la chronique Parlera sur moi, un anthropologue nous dira qu'il faut s'armer d'un esprit critique pour lutter contre les messages de haine. Voilà pour le sommaire. Rebonjour. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 7 Bujumbura-Ijenda ainsi que le pont Kamesa vont commencer lundi prochain. Annonce ce mercredi du directeur général de l'agence routière du Burundi. Tout le matériel nécessaire est déjà disponible, ajoute-t-il. Régis Mawenayo annonce également la construction de 2 routes, l'une passant par Mutanga Nord et l'autre passant par Kibenga. Le but étant de désengorger les routes de la capitale de Bujumbura. Suivez-le, ses propos ont été recueillis par Lydie Gahimbare. Je promets que les activités d'entretien, de réhabilitation de cette partie-là vont débuter dès la semaine prochaine. Nous avons déjà mis sur place tout ce qui est nécessaire et les études et les matériaux pour la réparation, c'est prêt. Lorsque les travaux vont débuter, nous allons essayer d'aller très vite. Évidemment, dans les travaux, il y a du temps qui est incompressible. Donc, nous allons essayer d'aller très vite. Et nous pensons que dans 5 mois, la route va passer. La ville de Bujumbura connaît actuellement son expansion du nord décide que comptez-vous faire pour gérer les embouteillages. Il y a des contournements qui sont préconisés dans nos programmes, entre autres le contournement de la partie sud de la ville de Bujumbura par la route qui passe par l'avenue du Large, puis le long du lac Tanganyika jusqu'à l'endroit communément appelé Camp Chinois. Nous préconisons aussi dans nos projets de construire une route qui contourne par du rond-point communément appelé Wawawanu, passe par la partie est de Mutanga, débouche sur le boulevard Moïse Gisawa. Normalement, ça devrait permettre de limiter quand même les embouteillages qu'on voit sur certaines routes. C'était Régis Mawenayo, il est directeur général de l'agence routière du Burundi. Pénurie d'essence sur toutes les stations du centre de la province de Kirundo depuis 4 jours déjà et la spéculation s'installe, je le disais, 1 litre sur le marché noir coûte entre 5 000 et 6 000 francs burundais tandis que le ticket de transport Kirundo-Ngozi s'est presque multiplié par 2 dans des taxis-voitures passant de 6 000 francs bou à 9 000 ou 10 000. Pour le transport à bord des taxis-motos, le prix du ticket a doublé ou triplé suivant les distances à parcourir et les responsables des stations donnent espoir que le carburant peut leur parvenir d'un moment à l'autre. Mais sans plus de précision, en ligne de Kirundo, Abraham Safari. Il y a 4 jours déjà, toutes les stations du centre de Kirundo n'ont aucune goutte d'essence. 1 litre sur le marché noir coûte entre 5 000 et 6 000 francs et le ticket de voyage a considérablement augmenté. En guise d'exemple, le ticket de Kirundo à Ngozi pour les voitures taxi de type Probox est de 6 000 francs dans les conditions normales, mais actuellement il est de 8 000 à 9 000 francs ou même à 10 000 francs dans les heures avancées. Même les taxis-motos, le prix du trajet a été doublé ou multiplié par 3 selon le trajet. La population de Kirundo demande au gouvernement de régler ce problème de carburant car les premières victimes de cette situation est la population. Cette dernière demande également le suivi de ces chauffeurs qui profitent beaucoup de cette pénurie d'essence pour faire des spéculations en rehaussant les tickets ou les frais de déplacement. Les responsables des stations, quant à eux, ils disent qu'ils ont espoir que le carburant peut arriver d'un moment à l'autre, mais sans toutefois donner des précisions. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci à Abraham Safari. Et l'ancien président du parti KZFDD est rentré au pays ce mardi. Jean Bosco Ndaïkenguru qui déclare avoir pris la décision de rentrer pour apporter sa contribution à la construction du pays. Après ses temps d'exil, cet homme politique ajoute qu'il continuera ses activités politiques. On l'écoute et ses propos ont été recueillis par Moïse Misako. Avec la crise de 2015, j'ai décidé d'aller en exil. Aujourd'hui, d'abord, le retour au pays a été mon rêve depuis que j'ai décider d'aller en exil. Alors aujourd'hui, si nous décidons au sein de l'Alliance nationale pour le rétablissement de la démocratie au Burundi en aide en sigle, c'est que nous avons analysé les conditions et nous avons jugé les discours des hautes autorités de l'État rassurants. Nous avons analysé combien le Burundi est sur la voie de la renormalisation. Nous avons apprécié globalement la situation. On a dit que les conditions minimales pour retourner au Burundi, travailler auprès d'autres forces politiques pour contribuer au développement du pays, que ce moment-là est arrivé. Je pense que le minimum des conditions sécuritaires est là pour pouvoir vivre dans le pays. Je dois dire que en politique, les choses ne marchent pas comme ça. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'autres personnalités politiques ici que je connais, qui étaient mes camarades de lutte. Mais quand on n'est pas ensemble en politique, quand on n'est pas dans le même parti politique, rien n'est garanti. Nous apprécions ce qu'ils font de positif et nous dénonçons ce qui est négatif. Et c'est ça le jeu politique. Je ne dois pas être rassuré parce que le parti au pouvoir est ici dans un mouvement armé. Je suis un des créateurs. L'essentiel, c'est qu'il puisse faire ce qui est dans les objectifs qui nous ont même poussé à prendre des armes en 1993. Nous devons combattre, nous devons continuer à parler, nous devons continuer à proposer, nous devons continuer à dénoncer ce qui ne va pas. C'est ça le combat politique. C'est notre vie. Et ce n'est pas question de dire vous entrez à retraite ou pas. On est obligé. Je continue mon combat politique que j'ai commencé depuis 1993. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le niveau d'expression et d'écriture en langue française est faible sur certaines écoles fondamentales de la province Karoussi et de la mairie de Bujumbura. Selon le sociolinguiste et didacticien des langues, Dr Pierre Ndowingoma, les raisons sont multiples. Il évoque ici la diminution du volume horaire du cours de français ainsi que l'insuffisance des pratiques d'expression et de rédaction en cette langue. Vestine Boutoui. Au cours d'une recherche sur l'enseignement, apprentissage et évaluation des compétences communicatives en français dans des écoles fondamentales, classes 7e, 8e et 9e de la province Karoussi et la mairie Bujumbura, faite par Pierre Ndouingoma, docteur en sociolinguistique et didactique des langues, il a été constaté que le niveau d'expression et d'écriture en langue française est médiocre. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Docteur Pierre Ndouingoma donne l'exemple du monopole de la parole par l'enseignant, d'où l'apprenant n'a pas l'occasion de se familiariser avec l'expression et la rédaction en langue française, qui figure parmi les points fondamentaux de cette langue. J'ai constaté que les méthodes utilisées par les enseignants sont éloignées par rapport à ce qui est prescrit par le curriculum de l'enseignement fondamental, dans le fait qu'ils continuent à pratiquer les méthodes traditionnelles, les méthodes dites de transmission, ils transmettent les connaissances au lieu que ce soit les apprenants qui soient à l'origine de leurs apprentissages. Cet enseignant-chercheur à l'Université du Burundi, Institut de pédagogie appliquée dans le département de français, évoque également la réduction du volume horaire du cours de français dans les classes de 7e, 8e et 9e, où il est devenu presque la moitié par rapport à celui de l'ancien système éducatif. Le volume horaire qui a été diminué pour certaines classes, il a été divisé en deux. En classe de 7e, 8e et 9e fondamentale dans lesquelles j'ai fait l'enquête, j'ai constaté que le programme prévoit 5 heures par semaine en 7e, 5 en 8e et 4 en 9e. Et les occasions donc de pratiquer la langue sont diminuées. De ce fait. C'est un handicap majeur du moment que les apprenants n'ont pas d'autres occasions au sortir de la classe de s'exprimer en langue française étant donné que nous avons une seule langue maternelle qui est parlée par tout le monde. Pour pallier ces défis, le sociolinguiste et didacticien des langues, Dr Pierre Ndouingoma, propose la conjugaison des efforts de tous les intervenants dans le secteur de l'éducation, ainsi que la mise en place des séances réservées à la pratique des apprenants par rapport à l'expression, rédaction, lecture et compréhension en langue française. Merci Vestine Boutoyi. Et les femmes commerçantes du poisson et les pêcheurs exerçant leurs activités sur la plage de pêche, dites au lac Rugueiru, sur la colline Massaka en commune Guiterani de la province Muyinga, déplorent le manque de latrines sur cette plage accueillant plus de 3000 personnes chaque jour. Certaines de ces commerçantes affirment qu'elles se soulagent à l'air libre en cas de besoin. L'administration déclare être au courant de ce problème et signale qu'elle s'emploie à lui trouver une solution. Omer Ndouayo. Plus de 300 pêcheurs opèrent à cette plage se trouvant à plus de 65 km de Kovero et qui a une capacité d'accueil de plus de 2500 vendeurs et acheteurs du poisson. Cependant, cette dernière fait face au manque criant de latrines, selon les femmes qui exercent le commerce du poisson. Les latrines que nous avons ne sont pas fermées et n'ont pas de toiture. Elles ne durent pas longtemps. Des fois, on se soulage à l'air libre. Quand on se soulage, on se cache à l'aide d'une panne. Ces commerçantes craignent d'attraper les maladies des mains sales. On se heurte à une infection contagieuse communément appelée Nziku, qui attaque l'appareil urinaire, freinant les opérations liées aux petits besoins. Anaclette Ishemeze, technicien chargé de la promotion de la santé en zone Massaka et Ruzo, affirme que le manque de latrines à cet endroit peut être source des maladies des mains sales. Il signale toutefois qu'il y va approcher l'administration communale afin de trouver une issue favorable à ce problème. Le manque de latrines ici à Gweru, je connais très longtemps parce que le jour dernier, on a fait donc des réunions pour sensibiliser la communauté pour qu'ils puissent créer de nouvelles latrines en collaboration avec l'administration locale. Moi, je vais contacter l'administrateur communal pour qu'il puisse aider cette communauté dans le but d'éviter les maladies des mains sales. L'administration provinciale indique être au courant de ce problème. Denise Ndaruhekeye, chef du cabinet du gouverneur à Muyinga, fait savoir que l'administration communale est en train de s'organiser pour trouver une solution durable. Omer Ndouaï, je vous l'avais dit dans les titres, l'athlète burundaise Francine Niyonsaba, qui a décroché récemment beaucoup de médailles dans différentes compétitions, surtout le Diamond League, a été accueillie chaleureusement ce mercredi par différents citadins. Et selon cet athlète, sa victoire garantit la reconnaissance du Burundi à l'étranger. Certains de ceux qui l'ont accueilli à l'aéroport international de Bujumbura se réjouissent de l'étape franchie par cet athlète pour représenter le Burundi dans les compétitions internationales. Marie-Claire Kazeneza. C'est l'ambiance qui régnait à l'aéroport international Melchior Ndadaye, où les citadins ont répondu massivement pour accueillir l'athlète Francine Niyonsaba, qui a décroché récemment beaucoup de médailles dans les différentes compétitions internationales. L'un des habitants de la ville de Bujumbura fait savoir qu'il est content de la victoire de cette athlète burundaise. C'est très très heureux d'accueillir aujourd'hui notre athlète Francine Niyonsaba, qui s'est démarqué, qui a été victorieux dans de compétition internationale, comme vous l'avez vu aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle n'a pas bien se manifesté. Après d'autres compétitions, les cinq compétitions qu'elle a pu courir, elle a gagné les premières places. Par exemple, c'est une certification pour les Burundi de l'avoir accueilli ainsi. Vous avez vu les autorités, et ils étaient ici, il y avait les représentants du ministère, les fédérations différentes. Donc c'est joyeux, c'est quelque chose d'apprécié de voir, d'accueillir aujourd'hui notre athlète qui a pu donner la valeur ajoutée au pays. L'athlète Francine Niyonsaba a remercié vivement ceux qui l'ont accueilli chaleureusement, tout en précisant que sa victoire garantit la reconnaissance du Burundi à l'étranger. Francine Niyonsaba a été première sur la distance de 5000 mètres aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne et en Suisse. En France, elle a été classée première sur la distance de plus de 3200 mètres, au moment où elle a été première sur la distance de 2000 mètres en Croatie, sur le chrono de 5 minutes 21 secondes, le premier record mondial. Marie-Claire Kazeneza, il est 13h11 à Bujumbura et sur Isanganiro. La production cotonnière est passée de 3400 tonnes en 1971 à 500 tonnes seulement en 2020. La diminution des superficies cultivables et des problèmes financiers sont quelques-uns des facteurs qui conduisent la compagnie de gérance du coton Cogerco au bord de la faillite, affirme le gouvernement et le responsable de cette entreprise. Deux conseils des ministres tenus en 2020 ont convergé sur la restructuration de cette compagnie. Mireille Kanyang revient sur ces cas. Le coton était l'une des cultures d'exportation ayant pu ramener des devises au pays après le café et le thé. Nous référons sur le rapport annuel de la Banque centrale de 2018 montrant les superficies cotonnières exploitées, la production en tonnes, faisant également référence à la structure des exportations. Le tonnage exporté est allé diminuant. Il était de 50 tonnes en 2014, de 33 tonnes en 2015 pour passer à 20 tonnes en 2016, à 17 tonnes en 2017 pour atteindre 29 tonnes en 2018. Jadis culture d'exportation, la préoccupation pour la compagnie de gérance du coton Cogerco est actuellement de satisfaire la demande locale, notamment l'approvisionnement en coton à l'industrie textile, affirme le directeur général de cette compagnie. Il a été cultivé depuis les années 1930 combien et dans le temps, il a rapporté beaucoup de devises au pays et il a fait aussi progresser les familles des agriculteurs. Présentement, nous n'exportons pas le coton. Pour quelles raisons? La production est allée diminuant de façon qu'on n'a pas continué même à satisfaire la demande locale. C'est pourquoi alors notre préoccupation aujourd'hui, c'est d'abord de satisfaire la demande en matière première de la seule industrie textile que nous avons au pays. Et après, alors, on pourra penser à l'exportation et au rapatriement des devises. La diminution des productions, des superficies cultivables et autres tiennent à cœur le Conseil des ministres tenu en décembre 2020 et février 2021, dit le secrétaire général du gouvernement burundais. La stratégie nationale de développement de la filière coton textile habillement vise, quant à elle, comme objectif l'augmentation de la production nationale jusqu'à 5000 tonnes. Cependant, la compagnie de gérance du coton Cogerco, qui est la seule unité de production cotonnière dans notre pays, a connu des difficultés qui ont entraîné une baisse dans sa production, passant de 3400 tonnes en 1971 à moins de 500 tonnes actuellement. L'extension rurale de la culture du coton et les techniques modernes pour accroître la production du coton au Burundi ont en outre été au centre des échanges en juin 2019 dans le projet Cotton Victoria où des experts brésiliens ont fait le déplacement étant donné que ce pays de l'Amérique latine est le premier dans la production du coton au niveau mondial. Merci Mireille. En actualité internationale, avant la chronique sur les messages de haine, en RDC, cela fait plus de 24 heures que le correspondant de l'AFP Actualité CD et fixeur de RFI au Kassai est détenu sans accès à sa famille et à un avocat. Sosten Kambidi avait couvert au quotidien les massacres de civils dans les provinces du Kassai et participé à l'enquête sur l'assassinat des deux experts de l'ONU, Michael Chap et Zaïda Catalan. Il se retrouve accusé comme un autre journaliste arrêté fin juillet d'avoir divulgué la vidéo de l'assassinat des deux experts de l'ONU. Et le président congolais, également président en exercice de l'Union africaine, a été le premier chef d'État africain à s'exprimer à la tribune de l'ONU lors de la 76e Assemblée générale de l'organisation qui s'est ouverte ce mardi. Il a formulé une série de doléances. Le président congolais a demandé à ce que deux pays africains supplémentaires siègent au Conseil de sécurité de l'ONU dans la catégorie des membres non permanents et que deux autres pays africains puissent siéger au Conseil de sécurité en tant que membres permanents disposant d'un droit de veto. Parle, rassure-moi. La chronique sur la lutte contre les messages de haine d'aujourd'hui parle de la façon dont il faut garder un esprit critique face aux messages haineux. Avoir un esprit critique suppose le fait de réagir à une situation après une réflexion approfondie, selon l'anthropologue Lambert Hakuzi-Aremye. Aubin Niyonkuru. Lorsque survient un fait quelconque, notamment un cas d'insécurité, l'interprétation diffère selon les groupes sociaux et des fois ça donne place aux accusations et parfois au message de haine. Mais devant cette situation, selon Lambert Hakuzi-Aremye, il est primordial d'avoir un esprit critique. Comment cet esprit s'explique? La réponse est de cet anthropologue. C'est au fait de réfléchir par rapport à la situation, donc faire un regard critique de la situation auquel tu fais face. Et dans ce cas, on essaie de mener une réflexion un peu approfondie pour essayer de voir si ce qu'on ce qu'on entend, ce qu'on lit, ou si c'est un message, si réellement le message vise nécessairement à aider les gens à cohabiter pacifiquement, ou si le message vise l'intérêt général de tout le monde. Selon Lambert Akudziaremye, il ne faut pas seulement considérer une seule version de ce que chacun lit ou reçoit comme message d'une seule source. On a souvent toujours évoqué que la socialisation en famille est très importante, influence beaucoup plus l'individu pendant la petite enfance. Mais dans cette situation des messages de haine, on sait bel et bien que ce sont des messages qui sont produits par les gens adultes, même les gens qui commentent, même les gens qui lisent ces messages, qui s'approprient de ces messages, c'est toujours des gens adultes. Alors, quand on est adulte, on a plusieurs possibilités de pouvoir vérifier si le message ne peut pas remettre en cause la cohésion sociale d'une communauté. Pour ceux qui écoutent ou lisent des informations données par des gens influents, que ce soit les gestionnaires du pays ou des parentés, il faut d'abord discerner si leurs informations ou leurs propos ne vont pas dans le sens de leurs propres intérêts. Encore une fois, Lambert Akudziaremye. Je crois que le plus important, c'est de réfléchir et surtout avoir à l'esprit cette idée de vérification pour voir quel est l'objectif caché derrière son message. Et celui qui a émis le message, il veut aboutir à quoi? Et si c'est un message qui vise à susciter la haine, à diviser ou à remettre en cause l'image d'une catégorie des individus, dans ce cas, c'est là où il faut voir comment contribuer, dans le sens où on va aider quand même non seulement l'individu qui a écrit le message, mais aussi les gens qui vont être en contact avec le message. Quand il y a absence d'esprit critique, il y a risque de tomber dans les crises comme celles du passé. Pour lui, les administratifs à tous les niveaux, ainsi que les différents intervenants dans la vie sociale, ont un rôle prépondérant pour lutter contre la propagation de ces messages. Ben, Niyonguru, il est 13h18 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également, merci à Eric Ouimana qui a repris la relève de l'autre côté de la baie vitrée au micro. Jean Bosco Ouimana. Passez un très bon après-midi.